إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن تقوى الله سبحانه وتعالى ليست كلمة يقولها العبد ولا دعوة يدعيها العبد، إنما هي حقيقة يجب تحقيقها، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل ليست بالكلمة الهينة، إنما هي كلمة عظيمة، فهي جماع الدين، فهي الدين كله، فهي الإيمان كله، فهي الإسلام كله، فهي الإحسان. لأن الله سبحانه وتعالى vous devez préserver les droits de الله سبحانه وتعالى. Et il faut qu'on sache que taqwa, qui est le fait de préserver les droits de الله سبحانه وتعالى, c'est pas une phrase légère. C'est pas une prétention qu'on doit avoir, mais c'est une réalité qu'il faut accomplir dans sa vie. Car c'est l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a intimé à l'humanité entière. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous vous avons ordonné, ainsi qu'à ceux qui vous ont précédé, le fait de préserver le droit d'Allah azza wa jal. Fattaqwa, c'est la synthèse de la religion. Taqwa, c'est la voie complète. Taqwa, c'est la bienfaisance. Taqwa, c'est tout le bien. Et c'est quelque chose qu'il faut accomplir. Taqwa, ibad Allah, hiya al-amalu bi ta'ati Allah azza wa jal. Wifqa ma ja'a fi kitab Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Raja'a tawabi Allah azza wa jal. Wa hiya kadhalika tarku ma naha anhu azza wa jal. وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل مخافة عقاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت المعصية قسمين: فعل المحرم المنهي عنه وترك الواجب المأمور به. لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالمعصية كذلك هي فعل المحرم الذي نهي عنه، وهي كذلك ترك الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. تقوى خيرنا الله سبحانه وتعالى سي accomplir l'obéissance à الله سبحانه وتعالى selon ce qui est dans le livre et la sunna du messager عليه الصلاة والسلام, dans l'espoir d'avoir les récompenses d'Allah. Et c'est aussi le fait de délaisser tout ce que الله سبحانه وتعالى interdit dans le livre et dans la sunna par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de savoir que la désobéissance est composée en deux parties. Une partie qui est le fait de transgresser et de mettre en application et de tomber dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. La deuxième, c'est le fait de délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que taqwa, c'est mettre en application les ordres d'Allah et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Donc, dans le sens contraire, le ma'asiyah, la désobéissance, c'est le fait de mettre de plonger dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit et de transgresser les lois d'Allah, et c'est aussi de délaisser les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله إن ترك المأمور ترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به هو الذنب الذي عصى إبليس به ربه سبحانه وتعالى أمره بسجود آدم فعصى وأبى واستكبر فترك المأمور هذا الذنب الذي عصى إبليس به ربه سبحانه وتعالى حين أمره بالسجود فأبى أن يسجد لآدم كما أمره الله سبحانه وتعالى وفعل المحرم هذا هو الذنب الذي عصى به آدم عليه الصلاة والسلام ربه نهاه سبحانه وتعالى عن الأكل من الشجرة فأكل منها ثم ندم فتاب وتاب الله عليه فتاب وتاب الله عليه فلا بد أن نستحضر عظم المعصية فالمعصية في طرف يجر إلى طريق الشيطان صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وهي وسوسة من الشيطان وإملاء من الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى le fait de délaisser ce qui a été ordonné c'est le péché avec lequel الشيطان a désobéi à Allah. Allah سبحانه وتعالى lui a ordonné de se prosterner pour Adam et il a refusé. Il s'est empli d'orgueil et il a refusé le fait de se prosterner pour Adam. Quant au fait de faire ce qui est interdit, c'est le péché avec lequel Adam alayhi salatu wassalam a désobéi à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, il lui a interdit de toucher l'arbre, il a été le toucher, et après il l'a regretté, et il s'est repenti, et Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son repentir. D'où il faut qu'on fasse très attention à la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est une des voies parmi les voies des shaitan qui traite l'être humain pour l'amener vers sa perte, vers sa destruction. وَالدُّنُوبُ عِبَادَ اللَّهِ الدُّنُوبُ أَمْرُهَا أَمْرٌ صَعْبٌ وَلَيْسَتْ عَلَى دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ أَبَدًا فَمِنْهَا الصَّغَائِرُ وَمِنْهَا الْكَبَائِرُ ولكن يقول أهل العلم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار والتوبة والندم أي الصغيرة عندما يصر عليها الإنسان ويداوم عليها تصبح كبيرة فلا يستهل الإنسان بأي معصية كانت صغيرة كانت أو كبيرة فإن الله سبحانه وتعالى partant de là les péchés sont divisés en deux les péchés mineurs et les péchés majeurs. Les hommes de science disent les péchés mineurs ne le restent plus. Ne restent plus mineurs avec l'obstinence. C'est-à-dire si la personne continue et s'obstine à accomplir le petit péché, ben ce petit péché va devenir un grand péché. Et ils disent aussi les péchés majeurs sont absous avec le regret, le repentir et l'imploration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا صفات عباده الكمل أي الكمل في إيمانهم وفي أعمالهم وأن هؤلاء يجتنبون الكبائر قال سبحانه وتعالى الذين وهو يتكلم عن صفات المؤمنين الكمل الذين يجتنبون الكبائر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة أي يجتنبون كل الكبائر ويقعون في بعض الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى écoutez et méditez ce verset dans lequel Allah سبحانه وتعالى nous donne la description de ces soumis qui ont la foi complète qui œuvrent pour avoir l'agrément d'Allah سبحانه وتعالى et parmi leurs grandes caractéristiques c'est qu'ils s'éloignent et qu'ils imitent Il crée un fossé entre eux et les péchés majeurs. Il est dit dans le verset, ceux qui évitent de commettre les péchés majeurs et les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, le pardon de ton Seigneur est immense. عباد الله، إن من الواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يجتنب الكبائر، واجتنابها فرع عن العلم بها، إذ كيف يجتنبها من لا يعرفها؟ وكما يقال كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ واجب علينا أن نعرف الكبائر لكي نجتنبها، لأنه إذا لم أعرف الشيء كيف يمكن لي أن أجتنبه ونتقي منه؟ أبداً ما يمكن هذا. ولذلك كان لزاماً علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل. سمي الله سبحانه وتعالى إلي obligatoire pour tout musulman et toute musulmane d'éviter de s'éloigner des péchés majeurs. Le fait de les éviter, de s'en éloigner, il est fait tout simplement du fait de les connaître. Il faut les connaître. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas une chose, comment il peut l'éviter? Impossible. Il ne la connaît pas. Comment il va l'éviter? D'où l'obligation d'apprendre notre religion. Et de se pencher et de retrousser nos manches à penser à apprendre notre religion. ولذلك عندما ترى هذا الذي يقع من المسلمين في الأخطاء الكثيرة في الصلاة، عدم الاهتمام بصلاة الجماعة، عدم الاهتمام بالأخوة وما إلى ذلك، ما هو؟ عدم الفقه في دين الله عز وجل، مرجعه إلى عدم الفقه في دين الله عز وجل والغفلة عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى. C'est pour ça, frère, الله سبحانه وتعالى, quand tu vois ces erreurs qui sont commises par les uns et les autres, que ce soit dans la prière ou que ce soit dans leur façon de se comporter avec les autres ou que ce soit dans leur négligence des prières en commun, tout ceci vient d'où? De l'ignorance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait qu'on ne donne pas l'importance au fait d'apprendre sa religion et d'aller chercher la science de sa religion. Ibad Allah, inna al-mab'outha rahmatan lil'alamin, kana nasihan li ummatihi sallallahu alayhi wa sallam, كان ناصحا لها تمام النصح، فلقد دل الأمة على كل خير يعلمه لها، وحذرها من كل شر يعلمه لها، وبين عليه الصلاة والسلام خطورة الكبائر وخطورة المعاصي وعقوباتها في الدنيا والآخرة، فلم يترك شيئا إلا نبهنا عليه، ولم يترك خطرا علينا إلا حذرنا منه صلوات ربي وسلامه عليه. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, le monde visible et le monde invisible, était digne du conseil pour la communauté. Il a orienté la communauté vers tout bien qu'il lui connaît. Il l'a averti contre tout mal qu'il lui connaît alayhi salatu wassalam. Et il a clarifié à la communauté le danger des péchés, qu'ils soient capitaux majeurs ou qu'ils soient mineurs. Il les a clarifiés, il leur a clarifié les châtiments qui découlent de ces péchés. وَالْكَبِيرَةُ يَارَعَاكُمُ اللَّهِ كُلُّ ذَنْبٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حَدٌ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَكُلُّ ذَنْبٍ كَانَتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعل الله الرجال متشبهين بالنساء ونعل الله النساء متشبهات بالرجال، فهذه من الكبائر لأن عليها نعلة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ذنب عليه وعيد شديد، وكل ذنب جاء في الحديث أنه يدخل صاحبه النار، وكل ذنب جاء فيه أن صاحبه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها. وكل ذنب قيل عن صاحبه أنه لا يؤمن، أي ليس بكامل الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي ليس بكامل الإيمان. أو قيل عنه ليس منا، أي في عمله هذا ليس على طريقتنا، أي ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير جدا إخوة الإسلام، ليس من أمر الهين، ففيه أمور نحن نفعلها ولا نلقي لها بالا وهي عند الله عظيمة والوعيد عليها شديد. فالله سبحانه وتعالى هذه البشي ماجور كالله وزن بخزاف ستو بشي duquel il découle une sentence dans ce bas monde. Il y a duquel la personne mérite sa sentence dans ce bas monde. ou duquel va découler la malédiction d'Allah. Comme ce qui dit dans le hadith du prophète, malédiction sur les hommes qui ressemblent aux femmes, ou malédiction sur les femmes qui ressemblent aux hommes. Ça, c'est un péché capital aussi. Quand sur l'acte, de l'acte il découle une malédiction, c'est un péché capital. Ou si tout péché duquel découle un avertissement sévère, ou tout péché dont, duquel il dit que celui qui le commet ne rentrera pas au paradis. Ça, c'est un péché majeur aussi. Ou il est dit du péché, et de la personne qui fait ce péché, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Comme cela est dans beaucoup de hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Ou qu'il rentrera en enfer. Celui-là aussi, c'est un péché majeur. Et aussi, tout péché duquel le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui le commet ne croit pas. Ça veut dire, il n'a pas la foi complète au moment où il croit ou il commet ses péchés. Comme ce qu'il a dit pour le fornicateur, que la personne fornique, quand il n'a pas la foi, ça veut dire quand il n'a pas la foi complète. Hein? Et aussi, des hadiths dont le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit de l'acte, cet acte ne fait pas partie de nous. Ça veut dire que cet acte que fait la personne, ou l'accomplissant, il n'est pas sur la voie du messager, alayhi salatu wassalam, avec l'acte qu'il a fait. ومن الكبائر كذلك عباد الله ما وصف بأنه من الموبقات أي من المهلكات ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات سميت موبقات لأنها مهلكة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة في partie aussi des péchés capitaux ce qui a été nommé par le messager alayhi salam, les abominables ou les péchés qui font périr. Les textes sont nombreux à ce niveau-là. Comme le hadith rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, ou Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, éloignez-vous des sept péchés abominables, c'est-à-dire qui font périr la personne. Qala alayhi salatu wassalam, اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات غافلات هذه من السبع المهلكات أن يشرك الإنسان بالله عاذنا الله وإياكم من الشرك صغيره وكبيره وأن يقوم الإنسان أن يذهب إلى الصحراء وأن يقتل إنسانا حرم الله نفسه عليه وأن ينغمس الإنسان في الربا كما هو حالنا في هذا الزمان وأن يأكل الإنسان مال اليتيم بدون حق وأن يتولى يوم أن تقوم الحرب وأن يقذف المحصنات أي يتهم المحصنات المؤمنات الغافلات في بيوتهن ويتهمهن بالزنا عياذا بالله et le messager d'Allah nous a clarifié sur les abominables, les sept abominables. C'est-à-dire, éloignez-vous des sept péchés abominables. Ils ont dit lesquels au messager d'Allah. Il a dit le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La sorcellerie, de s'éloigner de la sorcellerie, d'aller voir les devins, etc. Le meurtre interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Le meurtre que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Son droit légitime. L'intérêt usuaire. Le fait que le commerce se passe avec des intérêts. Le fait d'aller chercher des crédits à intérêt. Le fait de s'approprier aussi les bienfaits des orphelins. Et le fait de fuir le jour du combat sur le sentier d'Allah azza wa jalla. Et le fait de calomnier les femmes pieuses et les femmes croyantes qui sont insouciantes, qui sont chez elles, et on les traite de zina, on les accuse de zina et ainsi de suite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wa qala alayhi salatu wassalam, kama fi sahihayn, ala unabbi'ukum bi akbar al kaba'ir, qulna bala ya Rasulallah, qala al ishraku billah, wa uquq al walidayn, وكان متكئا عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا وقول الزور، ولم يزل يكررها، ألا وقول الزور، عليه الصلاة والسلام لم يزل يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. فتأمل إلى هذه كذلك، إلى أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين، وكم كثر العقوق في هذا الزمان. صلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. وتأمل إلى قوله عليه الصلاة والسلام: شهادة الزور، وكم تكثر شهادة الزور اليوم في هذا الزمان. صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافية. Et aussi parmi les péchés majeurs, ce qui est rapporté dans le hadith chez l'imam Bukhari, l'imam Muslim, le messager d'Allah a dit: voulez-vous que je vous annonce les pires péchés majeurs? Les nobles compagnons lui ont dit: oui, ya Rasulallah. Il a dit: le polythéisme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. La désobéissance et l'ingratitude envers les parents. Et combien sont nombreux ceux influencés par cette culture de ce genre de pays qui sont devenus ingrats vis-à-vis de leurs parents et vis-à-vis de leurs grands-parents. Le prophète alayhi salam était appuyé sur son bras. Il se redressa et dit: il nous faut témoignage. Il n'a pas cessé de le répéter. Il nous faut des témoignages, au point que les compagnons ont dit s'il n'avait pas cité. Tellement qu'ils savaient que c'était très dangereux. Ayyuhal mu'minoun, inna al-kaba'ira باب عظيم من أبواب الشريعة الإسلامية، ينبغي علينا أن نعتني بها وأن نعرفها وأن نفهمها ونحرص على تجنبها والابتعاد عنها. ولذلك فإن علماء الأمة قديما وحديثا كتبوا وبينوا وشرحوا هذا الباب العظيم. ومن أنفع ما كتب في هذا الباب وهو كتاب نفيس نافع، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. على المسلم أن يقرأه بنية معرفة الكبائر وبنية اجتنابها واتقاء شرها وضررها في الدنيا والآخرة. وهناك كذلك كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى، وعليه شرح نفيس لعلامة الإمام الفوزان حفظه الله، يناسب المستوى في هذا الزمان. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés majeurs, est un chapitre important dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire aux musulmans et à la musulmane de s'en occuper et de le connaître, de le comprendre, de veiller à éviter et à s'éloigner des péchés majeurs. C'est pour ça que les savants de l'islam, que ce soit les anciens ou les contemporains, ont écrit sur ce sujet. Ils l'ont clarifié. Le meilleur des livres qui existent en notre main, c'est le livre de l'imam Dahabi rahimahullah, son livre des péchés capitaux. Et aussi, nous avons un autre, qui est celui de Cheikh l'Islam, Mohamed Abdelhab rahimahullah ta'ala, qui a été expliqué par Cheikh al-Fawzan. Et cette explication de Cheikh al-Fawzan convient au niveau intellectuel que nous avons de nos jours. Fa nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'an al-Azim wa bi sunnati khayr al-mursalin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تقوا الله عز وجل، تقوا الله عز وجل تقوى من يعلم أن الله يسمعه ويراه، ونتيجة علم الإنسان بربه هو خشيته سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنتيجة تقوى الله عز وجل هي أن تخشاه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإن الله سبحانه وتعالى devons tous préserver les droits d'Allah d'une préservation de celui qui sait qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend. Car l'effet de la connaissance d'Allah, c'est le fait de le craindre et de mettre en application ses ordres. il s'abstenir de ce qu'il a interdit. Il est dit dans le verset, parmi les serviteurs d'Allah, seuls craignent Allah, ceux qui le connaissent vraiment. Enfin, la réelle taqwa, c'est le fait de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala, en mettant en application ses ordres, en s'abstenant de ce qu'il a interdit. Ibad Allah, i'lamu, annahu kullama kana al-abdu billahi a'raf, kana li'ibadatihi atlab, wa an ma'siyatihi ab'ad, wa minhu tabaraka wa ta'ala akhwaf. ولهذا يا رعاكم الله يحتاج المسلم لصلاح دينه ودنياه البعد عن الذنوب والمعاصي وأن يتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأن يعرف الله وأن يعرف أن الله أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنه تبارك وتعالى يرى ويسمع ويعلم أحوال المخلوقات جميعها كبيرها وصغيرها ولا يخفى عليه شيء منها. هكذا يجب أن نكون إخوة الإسلام، ويجب علينا أن نعرف الله حق المعرفة. وحق معرفة الله إذا علمت أن الله سميع ألا تسمع الله سبحانه وتعالى ما سيخطبه عنك، إذا عرفت أن الله بصير ألا تري الله من نفسك إلا الخير وألا تريه من نفسك ما يخطبه عليك. إن الله سبحانه وتعالى أصل شيء que plus le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala a de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus il va chercher à lui obéir subhanahu wa ta'ala, plus il va s'éloigner du sol des obéissances, plus il va être plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Le musulman, pour amender sa religion, pour amender son bas monde, doit s'éloigner des péchés. Et il doit s'atteler à connaître Allah subhanahu wa ta'ala de par ses noms, de par ses attributs, comme il se doit. Il doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science, cerne toutes choses et comptabilise toutes choses, même les choses que nous ne connaissons pas, même les choses que nous avons oubliées. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit et entend, il sait tout de toutes les créatures, rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Et nous devons faire très attention. Et quand on connaît réellement le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il entend tout, ou là qu'il voit, nous ne devons pas faire entendre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'aime pas et ce qu'il n'agrée pas. Nous ne devons pas, quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala voit tout, nous ne devons pas être dans des endroits où il faut, où Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, où il nous voit. Les cafés, les pyramides, et j'en passe. Ou les endroits de la débauche, et ainsi de suite. عباد الله يجب أن نتذكر أن يتذكر كل منا تحدثه نفسه بالمعصية أن الله به عليم وأنه يراه ويسمعه ومطلع على حاله ولو كان مستخفيا بمعصيته. فإذا كان مستخفيا بالمعصية وفعلها خفية وتستر حياء من الناس فهو أحد رجلين. الرجل الأول أنه يظن أن الله لا يراه، وهذا كفر بواح، كفر بالله عز وجل. والثاني، والرجل الثاني يعتقد أن الله يراه، وبذلك يكون الله أهون الناظرين إليه، وهذه مصيبة كذلك، أن يكون الله أهون الناظرين إليه، تستحي من الناس ولا تستحي من الله، وتجاهر الله بمعصيتك وتختفي من الناس. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire que celui dont l'âme, il est obligatoire pour tout un chacun de nous, dont l'âme nous pousse à désobéir à Allah, qu'il se rappelle qu'Allah sait tout de lui, qu'Allah l'entend, qu'Allah le voit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toute sa situation, même s'il se cache pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sait, le voit. Et celui qui se cache, par honte, pour ne pas apparaître devant les gens comme quoi il commet une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il se cache parce qu'il a honte des gens. Il est dans une deux catégories d'hommes, comme l'ont catalogué les hommes de science. Soit il ne croit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit, donc celui-là il est dans la mécréance, parce qu'il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas. Soit il croit qu'Allah le voit, Et donc, en se cachant des gens, ils ne donnent aucune importance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une situation qui est très grave. Connaître que tu es en train de commettre le péché et que tu le commets, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'as pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est évident, tu vas, tu as honte des gens et tu n'as pas de pudeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ala falnattaqillah azza wa jal, wa nuraqibillah azza wa jal fi sirr wal alan. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت لا بد داخل الإسلام أن تكون كيسا والكيس يكون بأن تحاسب نفسك وأن تعمل لما بعد الموت للمستقبل الحقيقي قال الله سبحانه وتعالى il est obligatoire pour nous de préserver les droits d'Allah et de savoir observer Allah et de savoir que Allah سبحانه وتعالى nous voit et nous entend et nous devons faire très attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons Que ce soit en public, que ce soit en privé, le doué de raison parmi nous, c'est celui qui fait les comptes avec lui-même et qui œuvre pour après la mort. Meilleur parmi nous, et le plus intelligent parmi nous, c'est ceux qui œuvrent pour après la mort et non pas pour ce bas monde. Ils font les comptes à eux-mêmes. Face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Yasma'il Husna, Wasifati al-Ula, Nijalna wa Iyakum min al-Kayisin. وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه سألوه سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه سألوه سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق سألوه سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين سألوه سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين